Ah putain, de la merde comme d'habitude. Salut mec Kéfir. Yeah, ça va ou quoi? Ça va et toi Kéfir? Je te présente Kéfir. Et là je te présente Kéfir de Saint-Chamond. Allô Kéfir. Je te présente Kéfir de Saint-Chamond. Allô Kéfir. Yeah, ça va après? Ça va Kéfir? Bien. Sache pas à côté de toi, puis dédicace d'ailleurs à Zoxy en passant. Bon, en tout cas, ça veut dire que Kéfir, il suit le rap français, il suit le rap belge, il se fait un petit peu tout le monde. Ouais. Hey, tu dois connaître. Tu connais tellement de monde Kéfir. Tu sais qu'il est super fort Kéfir. Chaque fois qu'il vient dans Planète Rap, non seulement il rappe plutôt bien, en plus il rappe même si tu vas l'entendre. Et à chaque fois il a un petit mot pour les artistes et il connaît toute la discographie de tout le monde. Il est fort. Il est super fort. Il est fort. Non attends, t'oublie pas, t'habites où Kéfir? C'est LRG Kéfir. C'est LRG qui rappe. On balance le son, c'est parti Kéfir, session freestyle par téléphone. Yo, ok, tu peux m'entendre sur Planète Rap et me croiser dans les open mic. J'ai une sorte de reporter comme Harry Roselmack. Certains m'appellent Wikibérap ou l'encyclopédie. Je vais décrocher mon doctorat et je serai aussitôt crédible. Oui c'est vrai, j'arrive de nulle part. Tu te demandes qui est Stokard. Vas-tu me tailler un costard avec tes potes tapés de grosses barres? Moi c'est Kéfir, j'respire, y'a que les faux que je fais fuir. Mais dire c'est ce qu'il s'affaire, à défaut d'investir. Tout le monde a le droit de critiquer mais qui le mérite? Certains commencent le rap, ils veulent déjà qu'ils la méritent. J'ai la technique, je que la tectonique, dis-moi qui veut, qui peut, qui est mieux que moi dans ton équipe. Tes textes non ni techniques, au lieu de prendre le mic, travaille plutôt le pic, fais-le maintenant, fais-le vite. Appelle-moi KEF ou Monsieur Rap Français. Les watch je mets dans le clan de l'ennemi, je viens renforcer. Pour toi je suis, je reste le petit MC d'Artefact. C'est le comeback, c'est le one mic qui te plaque comme un quarterback. J'en place une pour Aïda et Frédérico, yeah. Je touche souvent ma cible, au pire je fais des ricochets. Là, tu as suivi toutes les phases qui vont sortir. Toujours aussi bon, il vient régulièrement rapper dans Planète Rap, Kéfir, mais ça faisait un moment, on t'avait pas entendu en 2008 encore.